mais aussi par sa visibilité de poser un geste de solidarité envers toutes les lesbiennes d'ici et d'ailleurs. Dans un monde en mutation, où les diverses communautés culturelles, mais également sociales et politiques se croisent, il est important de rendre compte de ce que les lesbiennes apportent à la société afin de contrer justement les discriminations et violences qu'elles subissent par ignorance ou conditionnement idéologique. Dans ce caucus, nous tenterons d'identifier quelles sont leurs, nos priorités et à partir de quelle vision elles émanent. Nous souhaitons ainsi A. établir un premier bilan exploratoire d'où en sont les lesbiennes ici présentes. B. recenser les nouvelles avenues qui seront évoquées pendant le caucus. C. ouvrir un dialogue intergénérationnel et interculturel. Et enfin, D. créer, favoriser des réseautages locaux et internationaux. Bref, nous espérons que ce lieu de visibilité, d'échange et de réflexion permettra aux lesbiennes présentes de discuter de leurs réflexions, valeurs et réalisations actuelles. Je vais prendre le temps de nommer les grandes catégories de signification qui ont été attribuées au terme lesbienne. Il y a la perspective essentialiste, on est comme ça. La perspective matérialiste, il s'agit d'un concept provisoire, d'une position de résistance politique, entre lesquelles se déploient les perspectives plus généralement sociales ou culturelles, hein, mode de vie, préférences sexuelles, identité culturelle, politique identitaire, etc. Notons que les théoriciennes queer ou postmodernes ont eu tendance à réduire le mot lesbienne à la définition doxique ou essentialiste, soit celle que l'on retrouve dans les discours dominants, scientifiques, institutionnels, religieux. Contrairement aux théoriciennes matérialistes, en particulier Wittig, qui se sont réappropriés ce terme et lui ont donné une extension conceptuelle. Elle est lesbienne, toute personne qui ne reproduit pas le système hétérosexuel. Autrement dit, les lesbiennes ne sont ni des femmes ni des hommes, mais des personnes de l'un ou l'autre sexe peuvent être des lesbiennes. Pour Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles ne sont pas dépendantes des hommes, ni économiquement, ni affectivement et ni symboliquement. Se positionnant sur le plan discursif, les théoriciens et théoriciennes queer considèrent que le mot queer renvoie à une identité fluctuante et donc non essentialiste, mais font l'impasse sur la dimension matérialiste pour insister sur la dimension culturelle ou psychique, certes importante mais insuffisante à mon avis, pour rendre compte de la complexité des rapports de pouvoir qui s'exercent dans notre monde. Il est intéressant de voir que leurs plus récentes analyses intègrent de plus en plus une perspective matérialiste. Rappelons que le mot lesbienne n'est pas issu du régime politique de l'hétérosexualité, mais renvoie au lieu de naissance d'une poète subversive par rapport à ce régime. De fait, Sappho n'aimait pas seulement des lesbiennes, elle travaillait, elle était indépendante financièrement, elle n'était pas mariée, elle vivait dans un bastion de résistance à la domination des femmes et elle a grandement contribué à l'enrichissement de la culture non seulement de son époque, mais mondiale. Nous lui devons en effet l'invention de la poésie lyrique ou personnelle qui rend compte d'une perspective propre sur le monde. Quatre panélistes engagés de manière différente et appartenant aux trois cultures linguistiques du Congrès, hispanophone, francophone et anglophone, ainsi qu'à différentes autres cultures, ouvriront la discussion en présentant leur propre démarche ou celle du groupe au sein duquel elles militent. Alors, comme c'est moi qui ai organisé ce caucus et que j'ai une formation en art, eh bien, ça va déteindre sur le choix des panélistes qui sont toutes des créatrices et créateurs. Vous avez des infos sur leur bio et présentation dans le document que je vous ai distribué. Est-ce que je parle trop rapidement? Pour la traduction, ça va? OK. Alors, donc, nous allons commencer par Gloria Espomel, qui n'est pas à la bonne place, déjà subversive en partant. Alors, nous y allons d'abord Gloria Espomel, ensuite Susan Hawthorne, Virginie Jourdain et Coco Riot, qui elle aussi est très subversive parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Alors, donc, Gloria Escomel, elle est née en Uruguay, elle vit à Montréal. C'est une journaliste féministe, coordonnatrice des activités de l'Année internationale des personnes handicapées au Québec, militante lesbienne, ancienne présidente de la table de concertation des gays et lesbiennes du Grand Montréal, franc-maçonne, membre d'Amnesty International, romancière et poète. Elle enseigne aussi la littérature à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Là, voilà. Merci beaucoup. Bon, alors la question que je me pose, c'est par rapport à nos rêves d'il y a 30 ans, que je viens de m'apercevoir avec horreur, que quand nous avons commencé, enfin quand moi j'ai commencé à militer avec des groupes qui étaient déjà formés, c'est dans les années 80, et avec horreur je m'aperçois que ça fait déjà 31 ans, quelque chose comme. Bien. La question que je me suis posée, c'est lesbienne, quel monde avons-nous rêvé de construire dans nos premières années de découverte et de militance? Et puis tout de suite après, avec effroi, je me dis, nous, c'est qui, nous? Qui de moi, parce que je suis plusieurs, qui de moi osera parler d'un nous qui définissent et qui osent parler au nom des lesbiennes, puisqu'elles sont multiples autant qu'elles sont. Chacune de l'une d'entre elles est une individu et a des aspirations et des rêves différents. Bon, il y a quand même des points communs, mais il y a énormément de divergences. Et c'est une question qui nous a déchirés au début de nos militances, a déchiré les nous qui voulions nous unir en groupe, qui voulait revendiquer quelque chose de nos droits, qui voulait revendiquer mais quoi? Alors, je vais remonter au Québec, d'après ma propre expérience, aux années 1980, essayer de reconstituer l'histoire des individus et de leurs aspirations personnelles, secrètes, qui cherchaient à se regrouper ou à des mouvements qui se formaient, des groupuscules, organisés autour de leurs idéaux, de leurs idéologies, déjà énoncées par quelques théoriciennes qui avaient traversé les frontières, des américaines, des françaises, dont la parole, tantôt courageuse et structurée, tantôt hermétique, métaphorique, véhémente, qui n'était pas à la portée de tout le monde, qui n'était pas à la portée de toutes les lesbiennes, qui n'était pas toute intellectuelle, qui n'était pas toute universitaire, qui n'était pas toute structurée ni cultivée, essayait de donner une théorie à l'émergence lesbienne, etc. Des rares revues étaient publiées alors, quelques-unes qui étaient polycopiées, d'autres qui étaient d'une structure, d'une facture plus professionnelle, comme Amazon d'hier, Lesbienne d'aujourd'hui, qui était publiée par le groupe des lesbiennes radicales de l'époque. Il y avait une autre revue qui venait de France, Vlasta, et puis il y avait une revue qui était encore très, très amateur, 13, qui dure encore très, très sporadiquement, deux numéros, trois, selon l'argent qu'elle dispose. Et ces revues avaient des vocations différentes. Elles étaient publiées avec des grandes difficultés financières par leurs éditrices. Évidemment, toutes les collaboratrices n'étaient pas payées. Nous étions toutes des bénévoles. Et elles étaient diffusées parmi les petits groupes de lesbiennes qui étaient visibles les unes aux autres, mais qui n'étaient pas encore visibles du grand public, évidemment. Visibles les unes aux autres, c'était justement le nom d'un événement qui avait lieu une fois par an à l'école Guilford à Montréal. Et cet événement nous réunissait selon les années. Je pense que ça avait commencé à la fin des années 79 avec des filles comme Lynn Chamberlain, qui maintenant est une des grandes théoriciennes à Montréal, à l'Université du Québec, avec Nicole Lasselle, avec d'autres filles qui avaient le courage d'organiser ces événements et de donner leur nom pour l'organiser. réunissait 100, 200, voire même 300 lesbiennes qui venaient de Montréal et de régions et se réunissaient en plusieurs ateliers avec des questions qui revenaient d'année en année. Faut-il nous dévoiler? Faut-il le dire? Jusqu'à quel point pouvons-nous oser nous rendre visibles? Et pouvons-nous nous regrouper? Enfin, des questions qui étaient pratico-pratiques. Il existait à l'époque deux ou trois bars, le Lilith, un autre, et qui ne tenait pas longtemps. Il ne tenait pas longtemps pour une raison très simple, qui a toujours été la raison pour laquelle les bars se sont cassés la figure. Nous ne buvons pas assez. Nous ne sommes pas assez alcooliques. Et par conséquent, je veux dire, les couples de lesbiennes qui allaient là, eh bien, elles tenaient avec une bière toute la soirée. Moralité, le bar faisait faillite. Alors que les bars gays, bon, ben, tenaient le coup parce que les hommes buvaient suffisamment, consommaient suffisamment pour que le bar puisse tenir le coup. Bref, les lieux de rencontre étaient rares. Cet événement annuel était quelque chose de formidable. Et c'est là où on débattait des idées. Et c'est là où a été débattu quelque chose qui a fait une grosse scission entre nous. C'était, allons-nous former une association qui revendique nos droits ? Cette association, alors là, les radicales s'y sont opposées parce que prétendaient que dans cette association, nous allions parler au nom de toutes les lesbiennes. Crime. Et on se disait, mais oui, mais enfin, on a quand même des problèmes en commun qu'on pourrait peut-être résoudre en commun, mais non, non, non. Et, bon, les radicales et les autres... Les radicales, on pouvait les définir très très bien. Les autres, c'était difficile à définir. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est que les autres, elles militaient avec les féministes et par conséquent, au crime, avec les féministes aussi hétérosexuelles. Ce que les radicales refusaient. Alors, je vais définir les deux positions qu'il y avait à l'époque. Les radicales avaient les projets les plus radicaux. Elles remontaient, c'était à elles que revenait la théorie la plus structurée, évidemment. Elle remontait aux racines de l'oppression. C'était parmi elles qu'on avait les théoriciennes les plus cohérentes. Elle voulait évidemment changer le monde. Elle voulait vivre entre lesbiennes seulement pour se déculturer de la culture hétéropatriarcale, loin des hommes, des homosexuels mâles, des femmes hétéros. Elle voulait inventer une nouvelle culture, une nouvelle langue qui ne soit débarrassée de tous les problèmes grammaticaux que charrie la langue masculin pluriel, etc., etc., et inventer une nouvelle société. Nous n'étions pas contre, mais évidemment, ça posait des problèmes pratico-pratiques que nous n'étions pas toutes prêtes à résoudre, et surtout que nous militions avec des féministes et par conséquent avec des femmes hétérosexuelles. Moi, ça me posait un autre problème en tant que culture franco-hispano-sud-américaine. Elles avaient pour emblème, et elles l'ont toujours, je pense, la hache à double tranchant. Et pour moi, cette hache à double tranchant évoquait irrémédiablement Pétain. Pétain, les fascistes français. Et ça me faisait quelque chose. Bien. Maintenant, les autres. Les autres, elles considéraient que certaines luttes devaient être menées donc avec les femmes hétérosexuelles, car la discrimination, et ça c'était commun avec les radicales, la discrimination dont les lesbiennes souffraient était double, due à l'homophobie mais aussi à la misogynie. Bon, un des noms d'ailleurs qu'on nous avait donné, c'était les lesbiennes féministes. Et tout en reconnaissant cela en théorie, les radicales, qui étaient plus réalistes sur le plan de la stratégie, alléguaient... Et l'histoire leur a donné raison, et cela de plus en plus. Elles alléguaient donc qu'une fois les batailles des hétérosexuels gagnées grâce à l'aide des lesbiennes, les féministes hétérosexuels laisseraient tomber les causes spécifiquement lesbiennes. C'est ce qui s'est passé. Et qu'elles auraient honte... les hétérosexuels d'être assimilés aux lesbiennes, et on le connaît, hein, le refrain, toutes les féministes sont des lesbiennes, c'est un refrain qui fait peur à tout le monde encore aujourd'hui et de plus en plus. Militer donc en tant que lesbienne avec les féministes. Personnellement, si j'étais d'accord avec elle, j'aurais rajouté à cela un combat parallèle, parce que moi j'avais commencé à militer avec un groupe de gays, avec Jeanne d'Arc Jutras d'ailleurs. Un groupe de gays qui s'était formé avec une revue, et je trouvais que les gays, ils étaient beaucoup plus pratico-pratiques et puis qu'ils allaient davantage droit au but, alors que les filles, ma foi, elles se perdaient en beaucoup de... tours et de détours théoriques, et elles coupaient les phrases en quatre et les virgules en six, tandis que les gars, ben, ils étaient plus carrés, puis ça avançait plus vite. D'ailleurs, je dois dire, quitte à me faire pourfendre, que si nous avons obtenu des droits civils, la reconnaissance des conjoints de fait et le mariage, c'est grâce à l'aide vigoureuse des gars gays. Et c'est pas pour rien que j'étais à la table de concertation des... Bien, je passe. Je me suis fait assez pourfendre pour ça. Et à mon grand étonnement, je me rends compte aujourd'hui que les jeunes lesbiennes, celles qui ont 20, 30 ans, elles sont d'accord avec moi. Donc, c'est ma petite nièce, quand elle dit que j'ai un âge mental de 3 ans, elle a raison, je suis à l'avant-garde de mon temps. Alors donc, c'était une hérésie à l'époque, et ça l'est encore, je crois. Bon, il est vrai que militer avec les homosexuels à cette époque, dans les années 80, c'était pas tellement une bonne idée, parce que c'était l'époque où le sida faisait rage, et les malheureux, ils étaient pris avec des combats qui n'étaient pas tout à fait les nôtres. Donc, il valait mieux militer avec des lesbiennes seulement. C'est d'ailleurs cette épidémie de sida qui a fait qu'ils ont commencé à revendiquer des droits de conjoint de fait, parce que c'était la mort de leur conjoint qui entraînait la dépossession par les familles des droits du couple, enfin du conjoint qui mourait, et que celui qui subsistait se faisait déposséder par la famille. Donc c'est à l'origine la revendication, comme à l'origine c'était les revendications sur les assurances pour les couples qui se défaisaient à cause de cette épidémie. Bon, toujours les autres, les malheureux autres qui n'avaient pas tellement de noms aussi définis que celui des radicales, elles souhaitaient avant tout être reconnues dans la société où elles vivaient, pouvoir y vivre avec les mêmes droits que les autres, et pour cela être visibles sans risquer le rejet. Elles souhaitaient la féminisation de la langue, mais pour certaines, ça se résolvait très facilement, trop facilement, et en tant que littéraire, j'avoue que je hurlais devant des inventions outrées qui apparaissaient dans 13 et dans d'autres revues, comme par exemple, on féminisait les noms à tire-larigot, la soleil, l'amoureux, alors que ça aurait été les titres, les fonctions, les adjectifs et les pluriels qui m'apparaissaient moins importants de féminiser, mais pas le genre des noms, comme si je disais le table, la micro, ça change rien. Bref, elles auraient voulu, comme je disais tout à l'heure, fonder une association de lesbiennes pour revendiquer certains droits, et le projet a été combattu par l'aile radicale, il a échoué, parce qu'elle craignait que l'association veuille parler au nom de toutes les lesbiennes. Par contre, les radicales ont applaudi, quelques 10, 20 ans plus tard, la formation du réseau des lesbiennes du Québec. Parce que ce réseau avait la particularité de réseauter les associations, les groupes qui étaient déjà formés à gauche et à droite. Donc, respectaient déjà les voix différentes de groupes qui étaient déjà créés avec des orientations spécifiques et particulières. Donc, elles estimaient, et je pense que c'est vrai, que c'était beaucoup plus démocratique qu'une association qui avait des constitutions ou autres. Donc, ça s'est passé dans les années 90. C'est ça ? Oui, 90, c'était après la table de concertation. Bon, alors maintenant, venons-en au bilan. 30 ans plus tard, après avoir vu comment on se battait ou se débattait à cette époque, Maintenant que nous sommes, au mieux, les aînés, au pire, on nous appelle les vieilles sacoches, qu'en est-il ? Ben oui, c'est ça, je t'assure, les jeunes nous appellent les vieilles sacoches. Et non. Qu'en est-il de nos combats, pour elles, ou de nos rêves ? Les droits civils sont acquis. Si au Québec, nous avons droit au mariage, nous avons droit à l'adoption, je pense qu'on a même droit à l'insémination artificielle, et puis ça permet aux homosexuels des deux sexes de bénéficier d'une certaine égalité de statut avec les hétérosexuels. Nous voilà donc acceptés, enfin, du moins dans les lois. On ne peut pas dire que dans toutes les couches de la société, nous sommes admis, mais enfin, il ne faut pas demander le Père Noël non plus. Et cela, devons-nous le reconnaître, les droits civils, nous les avons obtenus, comme je disais tout à l'heure, grâce à des combats communs avec les gays, parce qu'il y a beaucoup de radicales qui se sont opposées face aux médias à la reconnaissance du mariage, au droit du mariage. Moi, je me souviens que Denise Bombardier m'avait fait demander, téléphoner par une de ses recherchistes pour... un débat sur le droit au mariage avant qu'on l'ait accordé, et la recherchiste m'a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Ah, j'ai dit « Oui, je suis d'accord. » « Ah bon, c'est très bien. » Puis deux jours après, elle m'a téléphoné en me disant bah, « Écoutez, vous savez, elle va prendre plutôt madame, je ne dirai pas le nom, parce qu'elle, elle est contre. » Ah ben, je dis « C'est très bien, c'est tout à fait orienté votre débat, hein, c'est démocratique, c'est très bien. » Et cette personne que l'on avait invitée pour dire qu'elle était contre le droit au mariage, c'était une radicale. Alors moi, mon principe, c'est que je ne me serais jamais mariée. Je suis contre le mariage, des uns comme des autres d'ailleurs. Mais j'estime que s'il y a des gens qui veulent se marier, ils ont le droit d'avoir le droit. Ils ont le droit de choisir. Donc le droit doit être là. Mais qu'on vienne refuser à quelqu'un d'avoir le droit parce qu'on est contre tel truc, au nom d'une théorie, d'un principe ou d'un n'importe quoi, je trouve que c'est vraiment de la dictature dans le sens inverse. Alors bon, maintenant, je reviens d'un voyage en France, en Belgique et en Espagne, et je peux affirmer que le Québec, avec deux de ces pays-là, est un des premiers paradis lesbiens et gays LGBT. Viennent ensuite, parce qu'en premier dans l'ordre d'apparition sur scène, c'est quand même nous qui avons eu le droit au mariage, à la reconnaissance, etc. Viennent ensuite la Belgique et l'Espagne. Quant à la France, c'est peut-être aussi un paradis, mais c'est celui des hypocrites. Hein. Les droits opaques, ça a une espèce de reconnaissance de conjoints de même sexe, mais avec moins de droits que ce que nous avons ici, sont peut-être reconnus. Mais le droit au mariage n'est pas encore reconnu, le droit à l'adoption, n'en parlons pas. Et on vient dernièrement d'entendre des phrases célèbres parce que la question s'est reposée aux veilles d'une éventuelle présidentielle qui va se présenter bientôt. Et une parlementaire qui a dit « Reconnaître le mariage des homosexuels ? Ah oui, et à quand reconnaîtra-t-on la zoophilie ?» Et puis là, il y a quand même qui lui a dit « Il faudrait peut-être que tu t'excuses. » « Ah non, mais c'était une blague. » Tu parles d'une blague. Ensuite, il y a un autre qui a dit « Ah oui, et pourquoi pas le droit au viol ?» Puis lui... Oui, c'est le lendemain qu'il s'est excusé. C'était encore une blague. Et puis après, il y a une députée de droite, Roselyne Bachelot, qui s'est prononcée en faveur du mariage. Et puis, il y a d'autres parlementaires du même parti qui sont allés jusqu'à exiger sa démission parce qu'ils ne suivaient pas la ligne du parti. Et puis, bon, alors quand même, il y en a d'autres qui sont élevés en disant que non, quand même, elle avait droit à son opinion. Même si elle faisait partie du parti. Alors quand on voit des trucs comme ça, on se demande, bon, dans le royaume de Sarkozy, si on s'en va vraiment vers l'extrême droite ou s'il y a une marge pour le respect des droits des individus ou s'il y a une marge pour l'insulte. Alors, non, je pense que, et c'est là, c'est quelque chose que je vais voir à la fin. Ici aussi, avec ce qui s'est passé à Toronto en fin de semaine, avec des gens qui appellent au meurtre des homosexuels, mais peut-être pas au Canada, parce qu'on est dans une société démocratique. Il faut faire attention, parce que la droite, elle s'en vient partout. Alors, le royaume sarkozyste en France a renforcé la répression et lancé des policiers provocateurs contre les gays dans des parcs de drague. Plus d'un gay s'y laisse prendre, parce que ce sont des policiers très séduisants. Et puis, lorsque les gars répondent, eh bien, taf, police des mœurs. Je connais beaucoup de gays qui cachent, ou de lesbiennes, qui cachent leur homosexualité au travail, ou même dans des associations corporatives fraternelles, dans la franc-maçonnerie, par exemple, puisque je suis franc-maçonne, alors que moi, je m'étale, j'ai une bague de franc-maçonne, j'ai pas de bague lesbienne, mais je le dis à tout le monde, et je sais pertinemment que la personne qui est en face de moi est lesbienne, elle se ferait couper en petits morceaux plutôt que de me dire « Ah oui, moi aussi !» Bon, donc c'est vraiment l'hypocrisie, c'est à croire que c'est une maladie honteuse. Alors que à Madrid, à Barcelone, j'ai vu en dehors des villages, des quartiers, des couples gays, lesbiens, s'embrasser à pleine bouche, sans aucun problème. Et même en Belgique, il y a une annonce qui est très mignonne pour une boisson qui s'appelle Kiss Genie, qui montre des panneaux, tantôt un homme qui embrasse une femme, tantôt deux hommes qui s'embrassent, tantôt une femme qui embrasse une femme. Et ça fait plaisir de voir que tout le monde est à égalité, même dans une pub. Et l'annonce qui montre deux femmes qui s'embrassent, c'est très, très, très mignonne. Évidemment, l'érotisme lesbien est toujours racoleur, il ne faut pas être innocente. L'image est belle, l'érotisme masculin est vendeur, hein, c'est des gros consommateurs, les gays, le marché le prouve, et que le commerce a vite fait d'exploiter ces nouvelles visibilités. On est en train de se faire récupérer. Certes, nous sommes intégrés, j'ai perdu mon temps, 2 minutes, et on se demande si c'est ce que nous voulions, nous faire intégrer ou changer le monde. Nous sommes assimilés comme les hippies se sont jadis fait assimiler. Alors on se demande si est-ce que nous avons vraiment une culture, nos jeunes femmes tout à l'heure vont y répondre, et on se demande aussi si nous avons vraiment gagné. Nous avons l'immense privilège dans ce pays de ne pas être persécutés, mais on est en train de se rendre compte que il y a un retour de balancier et que les mouvements extrémistes d'extrême droite ou même les musulmans qui sont installés ici sont en train de réclamer un peu plus de discipline contre les gays. Alors, il y a dans notre milieu certains groupuscules que l'on peut appeler des communautés, mais pour l'immense majorité qui ne connaît pas ces communautés, nous sommes isolés, nous ne savons pas où nous rencontrer, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de bar de rencontre, il y a des malheureux sites de rencontre internet qui sont la misère, et ce n'est pas tout à fait ce monde-là que nous avions rêvé. Et cependant, je disais, la force des rêves reste grande, on a déjà des acquis et les générations suivantes vont peut-être inventer des nouvelles sociétés qui seront autant que possible différentes les unes des autres et que la diversité de ces sociétés va peut-être trancher avec l'uniformisation des sociétés patriarcales que nous connaissons. Cependant, ces sociétés vont-elles changer le monde? Ça, j'en doute, étant donné que ce monde est en train, d'un côté, de se démocratiser et de l'autre, de se fanatiser. Et ce que je voudrais souligner, c'est que nous devons toujours rester sur nos gardes, parce que dès qu'on s'arrête, c'est comme si on était sur un tapis roulant qui va en sens inverse. Si nous restons immobiles, le tapis roulant nous emmène en sens contraire. Alors, il faut rêver, oui, continuer à rêver et à construire un rêve, mais que ces rêves aient toujours la force de l'action et du projet. Sinon, ils nous renvoient aux limbes du non-être et du rejet d'où nous venons. Et ça, il faut absolument l'éviter. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, merci beaucoup, Gloria. Il y a des positions qui divergent des tiennes dans la salle et nous aurons la possibilité de revenir et de donc discuter ensemble, d'ouvrir un dialogue, d'essayer de voir quelles sont nos positions et pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Donc, je demande à celles qui veulent s'exprimer d'être patientes. Il y a plusieurs positions qui seront présentées. Donc, à la fin, on reviendra et vous aurez la parole. Alors, très bien. Donc, je vais maintenant vous présenter la deuxième panéliste, Susan Hawthorne. Alors, elle est née en Australie. Elle vit à Melbourne. Militante lesbienne depuis 35 ans. Elle est poète, arialiste et sanskritiste. Ses recueils de poésie inclut les titres suivants: The Language in My Tongue, Bird, The Butterfly Effect, Unsettling the Land, avec Suzanne Bellamy, Earth's Breath et Cow. Alors, son recueil Earth's Breath a été mis en nomination pour le prix Judith Wright Poetry Award. Et ses poèmes ont été publiés dans plusieurs anthologies qui reconnaissent les meilleurs poèmes. Alors, elle s'inspire beaucoup de la mythologie et de la culture ancienne, grecque et sanskrit. Elle s'inspire également de l'écologie, de la physique, de l'hypertexte et des cultures lesbiennes. Je traduis en même temps, donc je suis désolée là, si c'est un petit peu boiteux. Alors on va donc lui passer la parole tout de suite. Good afternoon. It's a great pleasure to be here. Oh, I need to take them off. I'd just like to acknowledge that we're having this session on the traditional land of the Algonquin people. This is something that we do in Australia. We acknowledge that the land is the land of the Indigenous people. What I want to do today is I want to talk about poetry and read poetry. I've been a lesbian activist since 1974, and although I tried very hard to write lesbian theory, I didn't feel that I did it very successfully for some years, and I think the reason for that is it takes a long time to work through the layers of oppression, the complications of different kinds of domination and so forth. And I then began to write fiction and poetry. And I think I've come to the point where I think I can say in poetry better what I want to say about lesbians. For the last decade or so, I have been doing a kind of running campaign against the torture of lesbians, because lesbians are being tortured all around the world. So I'm telling you this because I don't want you to think, after I've finished talking about poetry, that I'm up in some kind of ivory tower just thinking poetic thoughts. Actually, activism is terribly important to me, and my lesbian activism is very grounded, and grounded in the kinds of violences that are out there against lesbians. In 1997, I began to write a book called The Butterfly Effect. Well, it turned into The Butterfly Effect. And it includes a long poem called Unstopped Mouths. And I had been writing this for some time, and then somebody said to me, someone I was working with said that lesbians have no culture. I was really shocked. And it shocked me because this woman, who happened to be heterosexual, was working with lesbians on doing creating culture. But what shocked me even more was that the lesbians in the same was a women's circus, a lesbian circus group. The lesbians in the group agreed. So I finished up writing this long poem called Unstopped Mouths, which includes a whole lot of footnotes or hypertext. And the reason I realised I needed to do it was that I was writing in code, and I knew that not only the heterosexuals would need the code, but many lesbians would need it too, because our history is so hidden. And so some of the footnotes in the collection are very standard references to, you know, this person said that, and some of them are ideas that I've played with in a sort of Borgesian sense, I suppose. And one of them goes like this. In the poem, it says, "Physicists speak of redshift. I say that the purple shift is more important. It's when a woman falls in love for the first time with another woman and the whole world turns purple. Today, I say, is a purple day." And then I have a really playful footnote which goes, "Purple shift. Red shift and blue shift describe the respective move away from or towards the observer. In measuring the speed and direction of the motion of stars, wavelengths are distorted. A shift to the longer red wavelength indicates movement away from the observer. A shift to the shorter blue length indicates movement towards the observer. A purple shift describes the movement of an emotion into a different dimension, neither towards nor away. The shift represents an emotional leap of faith into another realm, away from patriarchy and certainly out of this world, what Suniti Namjoshi calls an unfamiliar realm." So that was back in 1997 through till about 2005. And then in 2006, I applied to get some funding from an organisation in Australia called AsiaLink. It gives writers and artists a chance to have 4-month residency in an Asian country. I really wanted to go to India. In my first application, I mentioned women's sexuality. I didn't use the word lesbian. I'm not that silly. In my second application, I mentioned just women. In my third application, I confined myself to talking only about cows. And I got the grant on the third go. So my intention all along was to write a sequence of poems about lesbians. But these days, the mere mention of the word lesbian is enough to put you out of the running altogether. And furthermore, you can't include a word like lesbian in a poem and have it considered good poetry. So I went off and I began to write Cow. I'm going to read you first a poem called What the Mayor Says. Are there any troublemakers in this room? No? None? That's really surprising. Oh, great. Okay, this is for you. What the Mayor Says. This cow is asking for trouble, bringing disaster upon her own head. If she strays across the paddock into another world where the grass is green, it's her fault if it's too rich. This cow is a troublemaker, leader of the pack. You can tell from her eyes, the way she looks at you, raising and lowering her head, ready to fight. This cow is a wanderer, follows her nose along the tracks, ambles off toward the river. Before you know it, she'll be bellowing for rescue from the mud. This cow is untrustworthy. Watch how she scrapes her hoof in the red earth. Watch, if you will, as she stands high, her horns reaching for the sky. A herd of rabble-rousers and agitators, here they come. A social menace. What are we to do? How can we be rid of these firebrands? Now, the interesting thing is that I can read this poem in the country town where I grew up, and I can read it to an audience of lesbians, and they all understand it. They understand it differently. The farmers and the conservatives and the ordinary old boring progressives who think that lesbians are boring actually enjoy these poems. So I go on and I litter the book with lesbian clues. So on page 2, I mention the word orgasm in relation to a cow, just as Gertrude Stein did. I drop names like Gertrude and Alice, Chloe and Olivia. I've told stories about troublemakers and rebellious women and rebellious cows. This is all in a section called Queenie's Dilly Bag. And a dilly bag, for those of you who are not from Australia, is an open weave, loosely woven string bag that Aboriginal women used to carry things around. So Queenie, and there's a main character called Queenie. The word queen is related to the Sanskrit word for cow. The Sanskrit word for cow is gau. The Greek word for woman is gyne, and that is also related to the word for queen. In the Scandinavian languages, you get words like fina. I don't know if I'm saying that correctly. And in the Celtic languages, you get a word queen. Quinevere comes from the same word. So the word for woman and the word for cow are very connected, as is the word for queen. So Queenie becomes a kind of every lesbian. She's a philosopher. She carries around her cultural baggage in the dilly bag. And the stories in this section are foundation stories. They refer to how the cow created the universe. So we know this because we live in a galaxy. The Greek word gala means milk. We call the stars the Milky Way. We even have stories about the moon and the cheese. So who's to say that Queenie hasn't been to the moon? History is written by the victors. And who says there isn't such a story about the universe being invented by a cow? So having invented the physical universe, Queenie then goes on to explore the human universe of languages. In the second section, it's called Queenie's Tongues. And there is a very bodily centred section. Begins with a poem about cow stomachs, because cows have 4 stomachs, and so on. Then she talks about language, and she reminds us that the Hebrew letter Aleph and Greek Alpha and Latin A and Arabic Aleph are all descended from Phoenician Aleph, which means, guess what, ox or cow. So she suggests at some stage that the cow is the origin of the sound of the universe. And since she does happen to speak Sanskrit, that sound is ah-um. Now, if you just write this out, oom, and then you turn it backwards, what do you get? You get moo. So Queenie is also very interested in paradoxes and mathematical concepts. And there's another poem in there in which I make references to the O or the zero. I mention Zena, I mention Wittig. And then the third section cuts straight to the case, and it's called Queenie's Loves. Almost all the poems in this section are about love and desire and loss. And I found it very interesting that my friends and other colleagues are really happy to imagine cows writing love poems to one another. So I'm going to read you a couple of love poems between cows. The first one is called What Anactoria Says to Sappho. When the herds are running, the ground thrumming, sunlight scaling every beam of dust like a horde on the move. Your finest poems are for me. That's what I love best. When the sun strikes your coat roan with heat, we all stand dazzled by your beauty, and none of us will ever abandon you, you, the brightest of us all. When the summer grass grows pale and the longing strikes up again, I think of you standing, always knowing which way to go. Your doubts are few, your face dewy in the morning light, and your eyes brown, soft, but your glance is as sharp as thorns. Let me follow you on this track into that thicket by the river. Let us stand flank by flank, our love, our armour. So this collection is held together by four strings, and I don't want to be too prescriptive about how to understand those strings. But let's say they come from string theory in physics, from prehistory, because it's pretty clear that women invented string, from music, weaving, knitting, mathematics, and all of those kinds of things. So what I've tried to do in this book is to write about the world from a lesbian-centred perspective. In such a world, it was a lesbian cow that created the universe. So how do we gauge explanations? How do we know which histories to believe? I want to question the idea that our history is not knowable or is somehow corrupt because only a few of us can see it. And by that, I don't mean in some kind of ivory tower way. I mean by that for the heterosexual world, lesbian history is a nonsense. I think we have to challenge that. If people are happy enough to go along with stories about cows, why not stories about lesbians? Of course, these are very political questions. And I'll finish with one last short poem, which is what Gongila says. When winter ices my coat, when it strikes the heart, whatever can you do? She has made it public, her longing for me. She wants me to sing my heart pain. She says, Aphrodite is hard-hearted, her love searing, but all I want is want. Thank you. Thank you, Susan. Maintenant, on va donc entendre Virginie Jourdain, qui est née en France mais vit à Montréal. Alors, artiste, militante et coordonnatrice des expositions à la Centrale, Galerie Powerhouse à Montréal, Virginie Jourdain est aussi commissaire d'exposition et a participé et organisé plusieurs événements et expositions liés à l'activisme culturel féministe. Artiste, membre cofondatrice de la collective Dyke Rivers, co-commissaire de l'exposition Revolt, She Said, You Are Not Yourself, co-organisatrice de l'événement Les 72 heures. Elle a participé à de nombreux événements, colloques et expositions féministes et LGBT. Voilà. Q. O. For others. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de parler lentement et on va essayer de se synchroniser avec le superbe PowerPoint que je vous ai préparé. Donc voilà, en tout cas, je suis intervenue, on va intervenir un peu à deux voix avec Coco. Je vais faire les 10 premières minutes et Coco va prendre la suite. Et en fait, cette petite présentation, elle prend part à différentes discussions qu'on a avec Coco. On est tous les deux artistes, on est tous les deux militants à la fois comme travailleuses et travailleurs culturels et militants féministes et LGBTQ. Et on s'est posé pas mal de questions ce que c'était, en tout cas, d'intervenir dans un colloque comme ça et d'intervenir aussi en tant que lesbienne artiste et les questions que ça pose. Donc on va commencer par le début. Alors je suis artiste lesbienne, je suis lesbienne artiste, je suis artiste, je suis lesbienne. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter comme tous ces différents titres et postulats de départ pour analyser une œuvre. Donc, en partant de tout ça, on va commencer par essayer d'analyser ce que peut être artiste aujourd'hui, en essayant de dépasser les mythes qu'on peut avoir autour de cette profession qui en est une. Donc, on va un peu aller au-delà des idées préconçues de « je suis artiste pour me divertir » et « je suis dans une vie de bohème et je n'ai pas besoin ni de manger ni de boire, je vis d'amour et d'eau fraîche, tout va bien et je me divertis en faisant une pratique artistique ». Donc, être artiste, c'est une profession qui demande de l'investissement et du temps. Voilà, ce qui pourrait être une première définition d'être artiste. Et puis, d'être lesbienne, alors c'est quoi, compte tenu de cette association être artiste et être lesbienne? Donc, évidemment, quand on parle d'art lesbien, si on peut parler d'art lesbien, c'est un peu la grande question que je vous pose. On va essayer de dépasser ça, qui serait restrictif à une pratique sexuelle. Puisque ma pratique sexuelle, je pense qu'elle ne vous apporte pas grand-chose et elle apporte pas grand-chose à la manière dont on peut lire mon travail artistique. Mais on va considérer le terme lesbien dans un ancrage historique et culturel qui va évidemment de Sappho jusqu'à Wittig et la déconstruction de ce que peut être l'homosexuel, donc le malade, entendu malade par les experts médicaux. On va donc dépasser le terme homosexuel, on va dépasser le terme femme qui, en tout cas pour ma part, n'est pas, je me sens pas femme, voilà. Donc les influences de Sappho, de Wittig et d'autres influences théoriques qui vont me faire avoir une appartenance culturelle avec les lesbiennes. Ma culture est lesbienne, ma vie sociale est lesbienne et mon vécu politique s'est fait grâce aux lesbiennes pour beaucoup et aux féministes bien entendu. Donc voilà, on va partir de cet élément et avec ces différentes questions, la dissociation de... On ne parle pas d'une œuvre de femme, on ne parle pas d'une œuvre de féminine, on va parler d'une œuvre qui s'ancre dans des problématiques lesbiennes et féministes. Donc sans idée préconçue sur mon identité, mon origine biologique, on s'en fout... Et sans idée préconçue sur ce qui pourrait être, voilà, voilà, on sort d'un espèce de truc qui caractériserait une pratique d'art féminin de femme. On est dans une dimension culturelle et politique d'ancrage dans ces problématiques-là. Donc voilà. Et tout ça, je parle en tant que lesbienne et en tant qu'artiste, mais dans un contexte qui est particulier. Donc, je ne parle pas en tant que lesbienne artiste nord-africaine. Je ne connais pas les problématiques des lesbiennes du nord de l'Afrique. Voilà, c'est des problématiques qui me touchent en tant qu'ayant vécu en France, vivant à Montréal. Donc, voilà, il faut aussi préciser ça. Le contexte est important. Donc voilà le nous, la question du nous, c'est quoi le nous lesbien qu'a commencé à poser Gloria dans sa proposition d'intervention. Donc on va essayer de voir ce qui pourrait être nos particularismes, nos forces, nos richesses, nos stratégies de résistance et nos capacités d'agir à l'intérieur des discours et des normes et ce qui pourrait être intéressant dans les formes esthétiques récurrentes qu'on fabriquerait. Alors, cette deuxième petit volet, je l'ai appelé « mes grandes maîtresses ». Donc, évidemment, les grandes maîtresses, ça vient de versus les grands maîtres en art, en histoire de l'art, et on le passe au féminin, ça devient les grandes maîtresses. Évidemment, ça a une autre connotation, et ça dénote bien que l'histoire de l'art est l'art, et c'est pas un regard neutre. L'histoire de l'art s'est basée sur une histoire majoritairement masculine, avec un regard masculin qui va développer une iconographie et la représentation des femmes avec ce regard masculin. Donc les femmes sont des muses, les femmes sont des objets de désir, et qui va évidemment influencer tous les modes de représentation des femmes. Et évidemment influencer la manière dont on peut percevoir une œuvre d'art, puisque c'est ce discours majoritairement masculin hétérosexuel qui va décréter quelles sont les bonnes valeurs de l'art. Donc, pratiquer la broderie, ça vaut rien, mais taillé dans le marbre, ça vaut quelque chose. C'est plus vendable économiquement et on le voit dans les institutions, puisque les institutions on voit majoritairement des femmes, des hommes dans les institutions, que ce soit à la direction ou dans les expositions. Donc voilà, on part aussi de l'art n'est pas neutre. Il faut aussi donc trouver des moyens d'envisager cette histoire de l'art et de la rethéoriser, enfin trouver d'autres modèles théoriques pour envisager l'histoire de l'art. Donc il faut commencer évidemment, comme je suppose que tout le monde a fait dans la salle, à essayer de trouver des modèles et des références dans cette histoire de l'art. Donc cette quête qui passe par beaucoup de temps seul et beaucoup de quêtes perpétuelles dans des bibliothèques, essayer de trouver des modèles à l'université, dans les écoles d'art. Et voilà, donc on construit notre histoire de l'art toute seule et on trouve nos quelques modèles. Et on essaye de trouver aussi d'autres modèles théoriques. D'autres modèles théoriques qui vont nous amener à avoir un autre rapport à l'art, un autre rapport aux pratiques et un autre rapport à la valeur de l'art. Et les féministes ont apporté beaucoup pour ça et elles ont développé des nouveaux outils pertinents et je vais vous proposer d'en apercevoir quelques-uns. Donc ces nouveaux modèles pertinents pour réévaluer ce que c'est qu'une bonne, une vraie œuvre d'art. C'est un modèle pertinent pour réévaluer l'œuvre, en tout cas réévaluer le travail artistique et du coup pouvoir lui donner une portée non hétéronormée et non masculine et lui donner une autre forme de valeur. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler une grille d'analyse. C'est un peu pompeux, mais c'est différents types d'outils théoriques qui peuvent permettre d'envisager comment on pourrait, en tant que féministe, en tant que lesbienne, réinvestir ce champ de l'art. Donc c'est ça, comment on peut appréhender une œuvre lesbienne, comment on peut appréhender l'histoire de l'art et le rôle des femmes dans la sphère artistique, et puis comment on peut faire avec cette institution, quand je parle d'institution, c'est les universités, les écoles d'art, et aussi les musées, les galeries. Donc cette institution qui a des systèmes de classification de valeurs qui sont normatives, hétéronormées et puis largement masculines. Donc en tout cas, on ne peut pas appréhender une œuvre lesbienne d'une manière stable, genre c'est une œuvre lesbienne. Ça veut dire quoi une œuvre lesbienne? Il faut lui ouvrir différentes... j'ai pas le temps. Il faut ouvrir plein de perspectives de lecture pour que ce soit pas limitatif et pas stérile. Il faut pas réinventer des nouvelles normes de manière de percevoir une œuvre, qu'elle soit lesbienne ou pas. Donc il faut réinventer d'autres perspectives pour envisager cette œuvre et partir d'essayer de fermer la porte aux binarités primitives qui sont vraiment trop restrictives, que ce soit femme versus homme, homo versus hétéro. Et tout ça, il faut le dépasser pour ouvrir la porte à d'autres manières de construire des représentations moins normées et moins statiques. Et ça ouvre la voie aussi à considérer les nouvelles catégories d'identité, parce que je suis lesbienne, je suis aussi gwyn, je suis aussi femme quand il faut être femme, je suis aussi féministe. Toutes ces catégories-là, il faut les prendre en considération pour dépasser les catégories normatives qui ne nous aident pas. Les institutions nous stigmatisent à cause de notre catégorie, mais aussi on se stigmatise aussi dans notre communauté avec des catégories qui sont plus productives et riches qu'elles nous freinent. Donc voilà, et il faut ouvrir la porte à des identités plus complexes qui permettent de dépasser tout ça. Donc, alors, c'est ça ? Ok. Alors, mon identité biologique fait parler mes œuvres ? Oui, non, c'est une question ouverte. Mon identité sexuelle fait parler mes œuvres ? Question ouverte, mais qui sont des questions essentielles pour faire des vrais projets théoriques et d'exposition. Et du coup, essayer d'aller plus loin, recontextualiser les œuvres, voir dans quelle est dans quel milieu social, économique, géographique la lesbienne artiste évolue, et prendre ça en considération et aller au-delà de cette simple identification de catégorie biologique ou de pratique sexuelle ou d'identité sexuelle. Il faut absolument rendre intelligibles nos pratiques et nos productions dans un cadre critique plus fort et qui va dépasser et produire de nouvelles constructions de représentation et de nouveaux modèles. Donc, il faut réinterroger nos modes de représentation, il faut interroger ce « nous » dont Gloria parlait aussi précédemment, et voir aussi comment, plus globalement, on fabrique la différence et qu'est-ce que c'est, dans quelle différence on nous met, et essayer de construire des outils théoriques pour étudier cette différence. Ça me semble là l'élément fondamental pour envisager nos œuvres et nos pratiques. Ok, il me reste une minute, c'est vraiment parfait. En tout cas, voilà, je vais essayer d'aller un peu plus à l'objectif plutôt. Donc voilà, où est-ce qu'on peut trouver des lesbiennes artistes? Je suppose que vous en avez, j'espère, croisé dans votre vie. Mais en tout cas, il y a deux sphères, en tout cas dans lesquelles on a pu travailler, évoluer. C'est la sphère de l'institution et la sphère de nos communautés, qu'elles soient féministes, lesbiennes, gwyn, transpédéguines, queer. Et les deux sont pleines de paradoxes et elles sont pas. Il y a autant de questions et de difficultés à travailler avec ces deux sphères. L'institution, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une institution majoritairement masculine, qui est lourde, qui est vieillissante, qui n'aime pas parler d'identité politique et avec qui c'est difficile de parler et de donner des voix autres que des représentations traditionnelles, des sexualités, des genres, etc. Et nos communautés, qui ont plutôt une vision, quand on participe à un colloque féministe, c'est une vision féministe et les artistes viennent plutôt illustrer ou alors participer à une critique plutôt consensuelle, mais il n'y a pas d'écriture de texte, il n'y a pas de théoricienne qui travaille avec les artistes et on n'aide pas les artistes à parler. Peut-être tu peux continuer et puis je vais continuer à parler. Donc il faut non seulement faire des expos, mais écrire des textes et donner les moyens aux artistes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir ouvrir à d'autres formes de théorie et à des multiples voies d'interprétation des œuvres. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant. Peut-être tu peux continuer. De toute façon, j'arriverai pas. Tu reviendras. Je reviendrai. Tu reviendras. On va te redonner la parole. Vous pouvez demander à Virginie après toutes les questions. Oui, voilà. Parfaitement. Ok. Alors donc, je vous présente tout de suite Coco Riot. Alors, s'identifiant comme artiste queer, anti-oppression et migrante, séparé, Coco Riot affirme que l'art n'est pas un outil du changement social, mais un changement social en soi. Se questionnant au long de ses balades, voyages et explorations comment la sphère publique est reliée à nos ressentis intimes, l'artiste recrée des espaces d'appartenance en relation avec les paysages urbains, la politique militante, l'histoire sociale et les expériences personnelles, célébrant la création de brèches, de terres frontières, de langues et de beautés dans lesquelles nous, personnes marginalisées à cause de nos genres, nos races, nos classes, nos capacités, nos nationalités, etc., construisons des lieux d'appartenance. Le travail de Coco Riot naît d'expériences personnelles spécifiques s'étendant en métaphores afin de parler des expériences communes du public en tant que sujet social et politique. L'artiste explore différents médias visuels, ayant une passion particulière pour la recherche esthétique et les valeurs du dessin. Coco Riot assume la coordination du développement de public dans le centre d'artistes autogérés Articule à Montréal et est graphiste au studio de graphisme social The Public à Toronto. Je vais vous laisser un moment pour mettre vos appareils parce que je vais parler en espagnol. I'm going to leave you a moment. I'm going to do my presentation in Spanish. So look for your translation devices if you need. Maybe you don't need them. While we're waiting, I actually need to comment on what the first speaker said. essentially indicated that all Muslims were anti-lesbian. I think that's not the case. I know that's not the case. And I think that there are fanatics in Christians, in Sikhs, in Jewish, in Muslims. And I think in this time of the world where Islamophobia is rampant, we cannot afford to say those kind of things. And I would ask that we really try and avoid it, because I am so offended, I can hardly sit here. So I just want to make that really clear. I think it's really wrong, and I don't think we should be perpetuating Islamophobia in this woman's world. So thank you. Merci de votre commentaire. Alors donc, pour celles qui ne parlent pas l'anglais, je vais tenter de traduire le mieux possible. Alors, elle est offensée par un propos que Gloria Escomel a tenu et qui serait à l'effet, ça m'a échappé, qui serait à l'effet que tous les musulmans seraient anti-lesbiennes. Non, pas du tout. Tu n'as pas dit ça? Non. Ok. Tu vas répondre brièvement parce que la parole doit aller à Coco. Donc très très brièvement. Je n'ai pas dit que tous les musulmans étaient anti-lesbiennes. J'ai fait référence à un événement qui a eu lieu à Toronto en même temps que l'événement de la marche gay, où il y a eu des extrémistes musulmans qui ont appelé contre les gays et les lesbiennes. J'ai des amis musulmans, musulmanes, qui m'acceptent parfaitement. J'ai parlé des intégristes musulmans qui se sont tenus à Toronto cette fin de semaine. Traduit. Non, ça a été traduit pour la salle. Donc là, on va donc donner la parole à Coco Riot. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Yo os he preparado unas cuantas imágenes para que no tengáis que aburriros escuchándome. Así que podéis mirar las imágenes, son todo dibujos, no hay explicaciones y como es la última presentación del día, creo que os va a sentar estupendamente después de estar aquí tanto tiempo. Como efectivamente Dominique ha dicho, yo trabajo mucho en arte y política, las dos cosas juntas, y cómo podemos trabajar un arte que sea político y un arte que sea que tenga valores antiopresión. Yo me identifico como artista antiopresión y quiero reflexionar cómo el arte puede llevar ese mensaje, y ese mensaje, desde mi punto de vista, no pasa solo en el contenido, sino en todo el proceso de la obra. Entonces, quería reflexionar con vosotras hoy aquí un poco sobre lo que significa y cuáles son las posibilidades que existen. El arte debe ser, como yo digo a menudo, es una revolución en sí misma, debe llevar a cabo una revolución. No debe ser una herramienta, no es una decoración, no es una ilustración, es portador de una reflexión que le es particular. En el arte visual, que es lo que yo hago, como podéis ver aquí, todo esto que estáis viendo aquí son dibujos de mi libro Women Queers, del que os voy a hablar también un poquito. Y están aquí los ejemplares, podéis verlos, no mancharlos, devolvérmelos, comprarlos, como queráis. El arte es... Se dice que normalmente hay tres facetas, ¿no? Hay tres principios en el arte. Uno que es aquel que expresa la personalidad del artista, que puede ser, como si decimos, el estilo. Hay otro que es la expresión de lo que es propio a la época, el mundo en que vivimos. Y otro que es la expresión de lo que es propio al arte, que puede ser la investigación estética, si queremos. Yo querría hoy, cuando hablamos de arte político, quería pararme. Virginia ha hablado del arte y la relación con la persona, con el artista o la artista y con la comunidad en la que se trabaja. Yo quería centrarme en esa comunidad. ¿Qué es la comunidad? Yo me identifico como artista queer y cómo creo yo qué significa el queer para mí. Lo voy a decir porque hay muchas definiciones diversas. Queer es un conjunto de valores políticos que luchan contra el sistema binario de género, pero al mismo tiempo es un conjunto de valores que reconocen la diversidad de opresiones y la intersección de esas opresiones, y que no hay ninguna opresión que es peor que otra, sino que todas están al mismo nivel y todas juegan juntas. Quería pararme en la comunidad porque como tengo la suerte de ser la última persona que habla, puedo ir respondiendo a los demás. Para mí es muy importante, y lo podéis ver en las imágenes, Driven Queers es un libro que está hecho en español y que habla sobre temática queer. ¿Por qué? Porque no hay libros de cómics, es un libro de cómics y dibujos que hablan de la experiencia queer en castellano. ¿Por qué he decidido hacer esto? Justamente por llevar una reflexión un poco quizás sobre la interacción de diversas opresiones dentro de nuestras comunidades, hablar de por el ser queer y el ser otras cosas. No sé, yo no soy solo queer en mi vida, soy muchas otras cosas y entre las otras cosas que soy, soy una persona migrante hispana. Y dentro, cuando he hecho el libro Driven Queers, habla desde la perspectiva de una persona migrante hispana con privilegios de raza blanca en la comunidad queer. Todo el libro también lleva en sí un proceso que fue una gira durante un mes durante el Estado español. Y esa gira fue hecha en colaboración siempre con colectivos feministas, lesbianos, queers. Y para mí esa fue la manera de trabajar con la comunidad. Llevar algo a la comunidad, que la comunidad traiga algo y poder presentar. Yo tengo un nombre que me da una cierta visibilidad. Utilizar ese nombre para dar visibilidad a otras personas. Utilizar el libro para poder hablar de la experiencia, sobre todo de las personas migrantes. Y esa es la gira que estoy preparando aquí en América del Norte. Este tema me parece un tema muy interesante y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la crítica que ha sido hecha. Y el libro habla mucho del tema del racismo dentro de nuestras comunidades, de cómo es difícil, se habla siempre de la homofobia de las comunidades migrantes, de cómo las comunidades hispanas son machistas, son homófobas, son... etcétera, etcétera, y se habla muy poco del racismo que existe en las comunidades LGTB y queer actuales. Y solo para responder al tema de Toronto, Rob Ford no es una persona musulmana, es el alcalde de Toronto, y creo que hay pocas personas más homófobas en esa ciudad. Cuando hemos estado hablando tiempo con Virginie sobre cómo... ¿Cómo podemos trabajar en la comunidad? ¿Cómo podemos llevar este arte a la comunidad? Uno ya es el hecho de reconocer que nuestra comunidad, eso que decimos nuestra comunidad, es en principio una utopía también. No hay una sola comunidad. A veces yo estoy en la comunidad queer, a veces estoy en la comunidad migrante, a veces estoy en la comunidad queer migrante, a veces formo parte de colectivos de personas queer, de color, inmigrantes, a veces formo parte de colectivos de arte. Es también comprender toda la complejidad que llevamos. En el medio de la comunidad militante, supongo que lo sabéis, el arte está bien visto cuando es algo bonito y es algo que decora y podemos ponerlo en el muro o podemos ponerlo, no sé, en una decoración, ¿no? Así que dentro de la comunidad militante es importante poder hablar de destruir los mitos del arte burgués, los mitos del artista burgués. Como decía Virginie, que el artista no necesita vivir, no necesita pagar un alquiler, no necesita dar de comer a nadie, no necesita nada, no necesita ropa. Entonces, a la próxima vez que alguien pregunte a un artista, oye, ¿me haces un cartel para este evento? Gratuitamente, que os preguntéis cuántas horas pasa el artista o la artista dibujando el material de coste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Lo ideal para mí sería que los artistas militantes empezásemos a hacer facturas, no para cobrarlas, sino para que nos diésemos cuenta todos y todas del trabajo que hay detrás. Que es un trabajo igual de grande que el que hacen las teóricas, que el que hacen las profesoras, que el que hacen las militantes... todo ese trabajo para poder solo comprender el valor que tiene. Dentro de todo lo que estáis viendo siguen siendo imágenes de algunos de mis exposiciones. Es una exposición sobre símbolos del cuarto de baño antibinarios y antirracistas y etcétera, etcétera, etcétera. Y están cubriendo todas las paredes del cuarto de baño con la idea de que cuando alguien entra se dé cuenta de toda esa gente que no se ve, que es invisible. Esta obra viene muy bien para mi siguiente punto. He tenido mucha suerte de ser expuesta en lugares en los que la gente ha tenido cuidado. ¿Qué significa esta obra, ¿no? Y he tenido cuidado en llevar a gente, llevar al público, crear un diálogo. He trabajado con alumnos y alumnas de CEGEP, con gente de diversos medios haciendo estos símbolos. Todos los signos han sido validados por las comunidades a las que pertenecen, ya sean personas de color, ya sean símbolos de personas en sillas de ruedas, símbolos de mujeres gitanas, etcétera, etcétera. Y esta exposición es una de las pocas, la única que yo tengo, de hecho, que ha tenido un catálogo, que ha tenido un reconocimiento crítico, que ha tenido un reconocimiento de los medios. Y no es difícil hacerlo. Entonces, la próxima, pues, yo os pediría, cuando hagáis una exposición, solo escribir un texto es una forma de guardar una exposición, es una forma de documentarla, es una forma de que la gente que no ha podido ir continúe reflexionando a esa exposición. Y bueno, lo último que voy a decir, porque creo que deben quedar un minuto, voy muy rápido, espero que la traducción sea buena. Lo siento. Es cómo crear una colaboración entre la comunidad y el arte, ¿no? Y cómo hacer para que no haya esa separación. Para mí la idea es, no es necesario, siempre se dice, hay que hacer que el arte sea accesible al público, ¿no? Hay que bajar a veces el nivel de lo que estamos haciendo para que el público pueda comprenderlo. Y creo que es una idea quizá errónea. Creo que lo que deberíamos hacer sería luchar todos para que todo el público pudiese tener acceso, pero no porque bajamos el nivel, sino porque damos la posibilidad a todo el mundo de tener un acceso a la cultura, de tener un acceso a las ideas, a la historia del arte, a la reflexión sobre el arte, el tener acceso a la creación artística. Ese debería ser, creo yo, nuestro objetivo. Y por eso quería hablar un poquito ahora en la colaboración continua justamente de la gira, que es el cartel que estáis viendo aquí. Es la gira de Llueven Queers. Llueven Queers significa, bueno, estarán traduciéndolo, It's Raining Queers. Y es una gira que estuvo hecha realmente en colaboración con grupos de personas que yo no conocía para nada, que me invitaron a ir. La idea era crear una presentación, crear un momento que se adaptase cada vez a la comunidad. No llegar yo con una presentación, con una exposición ya hecha, sino pensar qué es lo que esta comunidad necesita. Por ejemplo, es una comunidad rural, porque el movimiento queer es un movimiento muy urbano centrado. Es muy difícil hablar de queer fuera, no porque no haya queers fuera de las ciudades, sino porque las políticas queer ni siquiera piensan en la ruralidad. Entonces, cuando yo voy a una comunidad queer rural, como ha ocurrido, como yo en queer, ¿qué es lo que esa comunidad quiere decir? ¿Qué es lo que esa comunidad quiere expresar? Cuando es una comunidad queer latina, como en Nueva York, la presentación en Nueva York, ¿qué es lo que esa comunidad quiere decir? Por ejemplo, el no me puedo expresar en mi idioma materno, porque las políticas, porque yo he crecido en un idioma político, que es el inglés o el francés, porque mi idioma queer es el inglés. Y entonces tengo una separación tan grande entre mi idioma íntimo, que es el español, y mi idioma público, político, que es el inglés o el francés. Esa es una de las reflexiones justamente de Nueva York, que es la imagen que estáis viendo aquí, con artistas queer latinos. Hay muchísimas cuestiones que lo bueno de la gira, lo bueno de la colaboración, de una colaboración que no esté planteada de avanza, que no esté planteada con antelación, es que se puede adaptar. Y que no va a dar siempre lo que queremos. Va a dar algo diferente y que quizá sea más oportuno. Y ese sería mi punto final. Y es estamos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Existe una nueva generación de artistas lesbianas? ¿Existe una nueva generación de artistas queer? No sé si es nueva o si es vieja, no creo que haya ni nuevos ni viejos aquí. Creo que lo importante es que existe. Y que existe, y que si no, yo no tuviese la esperanza de que las cosas podrían cambiar, no estaría aquí. Estaría en mi casa viendo una película, igual que vosotras. ¿Verdad? Entonces tenemos esa esperanza, y esa esperanza ya es motor de cambio. Y a lo mejor no es el cambio que preveíamos, porque el cambio no se puede prever y hay muchísimos factores que entran en juego. Pero por lo menos eso, tenemos la esperanza, y el hecho de que estemos aquí hoy reunidas quiere decir que ya hemos conseguido algo, vamos consiguiéndolo. Gracias. Merci. Alors donc il ne nous reste officiellement que 5 minutes. Qui a dit ça? Alors oui, c'est ça. Oui. Donc alors il ne reste que 5 minutes, nous n'aurons encore que 5 minutes avec la traduction. Par contre, si vous voulez rester un peu plus longtemps, je pense que nous pourrions le faire, à moins qu'on nous mette dehors. Je pense que nous pouvons occuper l'espace puisque nous sommes la dernière session. Et donc, à mon avis, ce serait possible. Alors, je vous invite maintenant à prendre la parole, à poser des questions, entre autres, à Virginie, qui voudrait bien pouvoir finir sa présentation. Sinon, peut-être les panélistes peuvent se poser des questions aussi entre elles. S'il n'y a pas de questions, je donne la parole à Virginie. Non, je préfère vraiment les questions. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous avez entendu? Alors, donc, nous avons parlé un peu rapidement. Ça n'a pas dû être facile pour les interprètes. Alors, bon, on n'a pas l'habitude de penser en termes d'interprétation. Et alors, c'est pas évident là pour les interprètes. Donc, est-ce que il y a des lesbiennes ou des queers dans la salle qui militent pour un autre monde dans d'autres domaines que les arts? Parce que nous ici, hein, c'est surtout des artistes, des littéraires, tout ça. Et je serais intéressée aussi d'entendre le point de vue de peut-être de personnes qui militent plutôt du côté de la justice sociale, par exemple. Il n'y a pas de réaction. Parmi les panélistes, est-ce que vous avez des questions entre vous à vous poser? Je ne sais pas. En tout cas, moi, pour ma présentation que j'ai comme laissée courir comme ça, mais à la fois, c'était cette question de l'art lesbien. Nous, c'est un peu... c'est notre travail avec Coco de travailler sur ces questions-là. Mais moi, j'aurais vraiment voulu avoir un moment d'interaction avec vous pour savoir si cette idée d'art lesbien, pour vous, ça a du sens. Et quand on parle d'art lesbien, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce qui, pour vous... paraît important comme faire appel à des artistes. Pourquoi, comment, dans des moments comme celui-là, et quel sens vous pouvez donner? Est-ce que pour vous ça peut exister? Ça a du sens? Et je ne sais pas si vous avez des références ou parce que c'est des vraies questions et je pense que c'est vraiment important de les poser parce que, comme disait Coco, les représentations culturelles et nos modèles de représentation. Ça passe par l'art et la culture, et pour avoir vraiment cherché longtemps à l'école d'art et à l'université des modèles de représentation, je pense que vraiment l'art et la culture ça joue un rôle primordial. Mais je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez, des retours à donner là-dessus, je serais vraiment ravie. Alors il y a un micro juste là, si vous voulez, sinon je peux vous prêter le mien. Alors, ça me parle beaucoup, la question de l'art, comme façon d'être en interaction avec qui nous sommes, qui nous voulons être, vers où on veut aller, à la fois comme lesbienne, à la fois comme féministe, et aussi comme forme de changement social. Et Je pense que moi, je viens plutôt du côté militant, activiste, militante, dans une perspective de changement social, souvent dans la rue, souvent des modes de mobilisation avec question de rapport de force. Mais je pense qu'on a besoin énormément d'être interpellé, de réfléchir autrement que par des textes très standards, argumentaires. Je pense qu'on a besoin d'être questionné parce que par cet art-là, moi, je me sens interpellée, mais plus encore, je pense qu'on a besoin d'entrer dans un dialogue assez profond pour interroger nos modes de changement social. Et je pense que vous les posez. Et aussi, je pense que vous posez des questions sur l'histoire d'une des multiples cultures lesbiennes et comment elles s'articulent. Et lorsqu'on évolue, pas forcément dans un milieu culturellement identifié comme étant lesbienne en tant que telle, mais qu'on est lesbienne, bien on développe peut-être pas cette façon de voir et de comprendre. Et ce que j'apprécie de vos réflexions, en fait, multiples, c'est de rendre visible le parcours, la réflexion, la contribution d'une théorie, une pratique féministe, lesbienne, féministe, peu importe, à un savoir féministe et lesbienne plus global qui évolue sans toujours avoir le langage que vous avez développé. Et ça, je trouve ça extrêmement enrichissant. Donc, ben voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un? Oui. In a way, thank you for that. In a way, the struggle that I faced with writing my book was how do I say the things I want to say without terrifying an audience by putting lesbian all over it, or by fragmenting everything, because the word lesbian is such a political word. We know that. For some people, it's the most fantastic thing in the world, and I would count myself among them. And for others, it's very difficult, even just conceptually. And as well as that, we also know that as lesbians, you know, we come from a whole range of different cultures. And so for me, having a herd of cows was, you know, a kind of way of being able to do that, because the cows, we don't have any expectations of them, and they do come, you know, in a range of different colours, in a range of different breeds. They come from the north and the south and the, you know, all of that. And so it enabled me to say things like, you know, I am nothing special, I am just a cow who wants to change the world. And in a way, that's really what I'm trying to do, you know, through my cows. So that's probably all I have to say. Thank you. Thank you very much. Alors, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations. Je voudrais juste parler de l'accent Conradi qui est trop... Elle est trop modeste. Elle dit, oui, je fais l'action politique, blablabla, mais c'est quand même la présidente de la Fédération des femmes du Québec, pour celles qu'elles ne connaissent pas. Donc, quand même, je la trouvais un peu modeste. Elle est très impliquée. Et pour ma part, ben moi, je ne suis pas du tout une artiste. Donc, mon commentaire va être très personnel. Je ne sais pas si ça va susciter des émotions, des réactions chez les autres. Mais moi, j'ai besoin de l'art. Je viens plutôt d'un milieu qui est plus académique, intellectuel. Je fais de l'activisme aussi, mais ce que je trouve difficile avec l'idée, par exemple, d'une culture lesbienne ou d'un art lesbien, enfin, c'est que finalement, quand je vais être touchée par une œuvre, c'est aussi la personne qui est derrière l'écriture, qui est derrière la représentation, qui me parle aussi de sa propre trajectoire, de sa propre sensibilité comme artiste. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir des lieux où on peut entendre ces artistes-là qui s'identifient, par exemple, comme lesbiennes, queer, ou je ne sais pas trop comment elles veulent s'identifier, là, mais nous parler aussi de leur démarche. Parce que, finalement, si moi, je vois l'art, ça m'aide à me renvoyer à des idées, à des représentations. Ça me construit une mémoire puis une histoire. Des fois, je ne comprends pas ce que je vois, mais ça reste en moi. Puis à un moment donné, dans ma vie, ça revient. Puis je me dis, oui, il me semble que j'avais vu ça. Puis comme j'ai beaucoup aimé les zines, la zine que tu avais faite, Coco, là-dessus. Puis je l'ai utilisé, ça, dans un séminaire de doc à un moment donné pour des gens qui ne connaissaient rien là-dedans. Puis ça a donné une forme de représentation. Mais je n'aurais pas pu expliquer vraiment d'où ça venait. Donc, je vous remercie pour ce lieu-là de nous parler de votre trajectoire. Parce que je me dis, bon... Si on entend les artistes parler aussi d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles entendent par culture lesbienne, mais peut-être aussi que nous autres du côté, ben moi, je suis pas vraiment dans ce côté-là, mais ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'on fait beaucoup une division culture-politique, puis toute la structuration du savoir aussi est un peu comme ça présentement. Donc, si on arrive avec nos parcours aussi, puis on arrive à se mettre ensemble dans nos histoires, peut-être c'est là aussi on va pouvoir trouver nos intersections pour créer d'autres espaces. Je sais qu'Articule essaie de faire ça aussi, mais il y a peut-être d'autres aussi espaces possibles de ces rencontres-là, de trajectoires, de visions finalement qu'on veut d'un changement pour un monde meilleur. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton commentaire. Ça m'a beaucoup frappé ce que tu as dit par rapport à rester dans ta tête. Je pense que c'est excellent, en fait. C'est ça que l'art doit faire. C'est... j'espère que tout va bien. C'est poser des questions. C'est poser des questions qui restent là et qui vont, toi, te faire cheminer et parler avec tes amis, avec ta communauté, et toujours poser des questions pour nous faire avancer. Merci. Oui. I just my name's Lewis. I just want to say thank you very much for your presentations. I used to work a lot with various feminist and also lesbian issues. I've since chosen to put my energy into other places, but I'm just really appreciative of being able to come into a space where lesbian art and issues are discussed. And a very good friend of mine back in Saskatchewan is a lesbian, a mother and an artist, and she's head of her Department of Art at the university there. So I'm very interested to go back home and talk with her about what it means to be a lesbian artist and how that comes together. And I think that the art, you know, it's not always obvious, but it really invites us to go down through the layers of what it means to be lesbian or what it means to be queer or however we think of ourselves. So just thanks for the invitation to deepen. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres visions, d'autres... qu'on n'aurait peut-être pas couverte. Oui, allez-y, mais il faudrait aller au micro si vous voulez qu'il y ait une traduction. Mais c'est la traduction, c'est l'interprétation. J'entends que... Non, ils ne sont pas partis? Ah oui, parce que tantôt, j'entendais encore. Mais bon, tant mieux, mais allez-y. They're still there. Yeah. Oui. Donc, je me demandais si... Si justement, pour revenir sur votre présentation, Virginie, si, plus fort. Si justement l'art ne permettait pas en fait d'exprimer l'art lesbien, l'art féminin, d'exprimer une forme de radicalité en fait, dans ce sens que finalement la culture lesbienne a toujours été en marge, underground, radicale, enfin radicale ou moins engagée, mais... Mais voilà, si l'art permettait pas ça, en fait, de pouvoir s'exprimer de manière forte et plus libre que qu'on peut, pourrait le faire dans une sphère, politique ou dans une sphère sociale. Bah, en fait, si j'avais bien géré mon temps, ma dernière image, ça aurait été une citation de Claude Cahun qui dit « Brouiller les cartes, masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. » Et Claude Cahun, c'est comme une référence pour les artistes lesbiennes, mais parce qu'elle a, je ne sais pas si vous connaissez Claude Cahun, mais elle a complètement déconstruit le rapport dont on... En fait, c'est des portraits photographiques qu'elle a fait avec sa compagne, et c'est une théâtralité de... En fait, elle revêt des costumes qui sont plutôt masculins, enfin, je vais en parler très mal, mais en tout cas, c'est au-delà de l'incarnation... Elle incarne pas la masculinité, elle incarne pas la féminité, elle est dans tout à fait autre chose. Et c'est une référence pour les lesbiennes, mais nous, théoriciennes ou artistes, on a tendance à les attraper puis à dire « c'est une artiste lesbienne de référence ». Sauf que son travail, il va au-delà de tout ça. Ça casse tout, ça casse les genres, ça casse... Elle parle pas de sa sexualité, elle parle de, je pense, de son amour avec sa partenaire, mais d'une manière complètement pas conventionnelle. C'est une dualité, c'est un super beau duo, mais qui parle pas d'amour lesbien, ça va au-delà. Ça casse toutes les barrières. Et il y a ça, et puis il y a une autre artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Béatrice Cussol, qui dessine. Et elle, c'est des personnages féminins, mais c'est des personnages féminins qui peuvent avoir des phallus, des espèces d'érections dans tous les sens. Et ces personnages font l'amour, mais font l'amour d'une manière complètement, complètement décomplexée. Et c'est hors de tout contexte d'une relation sexuelle lesbienne ou d'une relation sexuelle hétérosexuelle. Ou... Ça casse tout. Quand on voit ces personnages faire l'amour, c'est comme « waouh ». Et en fait, quand elle en parle, elle dit « moi, je suis féministe, je suis lesbienne ». Et mes personnages, ils sont pas là-dedans. Ils sont au-delà. Ils en ont rien à foutre de la masculinité. Ils sont au-delà. C'est comme un espèce de monde, un monde à côté, et qui aide, enfin, c'est ce type d'univers qui aide à exploser tous nos propres concepts. Parce que nous, en tant que lesbiennes, on est évidemment normés dans nos manières de... C'est quoi être une bonne lesbienne? De la même manière que c'est quoi être une bonne... C'est quoi une bonne œuvre d'art? Et avec des... proposition plastique comme ça, c'est ok, on casse tout, on est complètement, genre, complètement perdu, et on recommence à penser les normes, les genres. Et donc oui, effectivement, c'est comme... Et c'est ça que je trouve génial. C'est pour ça que je... Bref. Alors, il y a Suzanne qui m'a demandé d'abord, puis ensuite... Coco. I think that lesbian art is both hugely marginal, but it is also mainstream, because if we, in fact... If suddenly all the lesbian art, creativity, music, literature, political ideas, etc., just suddenly disappeared, we would find that we're living in a very arid world, because there's a lot more there than most of us know about. And there's certainly a lot more there than is recognised as lesbian. So I just think, you know, it's always important to know that, you know, that this is what sustains us. I mean, lesbian literature, whether it was written 5,000 years ago or whether it was written yesterday or whether it was a piece of music or whatever, that is what gives me life. And, yeah. Je sais pas si j'ai bien compris ta question sur la radicalité. Je suis pas tout à fait d'accord avec Virginie, mais on pourra discuter après avec une bière. Ce sera très long en discussion. Vous êtes invités à discuter. Donc, en fait, par rapport à la radicalité, je pense qu'il y a aussi le danger, parfois, c'est de créer nos propres normes esthétiques et nos propres normes artistiques. En disant l'art lesbien ou l'art queer doit avoir ces éléments. Donc, dans l'art queer, on doit toujours mettre du rose et du doré et des étoiles. Par exemple, ça c'est comme trois exemples. Ça crée aussi des normes. Donc, quand on est quand même artiste queer, mais qu'on aime faire du paysage, là, nos œuvres sont parfois pas reconnues comme des œuvres queer et sont pas exposées dans des contextes queer. Donc, je pense que la radicalité, oui, c'est important, mais c'est une radicalité aussi qui doit aller dans le sens d'une recherche esthétique radicale, dont ça veut dire briser les normes de l'esthétisme de la normativité esthétique de nos propres communautés, s'il le faut. Parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, c'est ça que je voulais comme ajouter à l'idée de porter un message, tu vois, esthétique et contenu parfois. Eh bien, à moins qu'il y ait une autre question, je vais être obligée de mettre fin à la session parce que j'ai une autre session à 19h et je dois m'y rendre. Et donc, c'est bien malheureux parce que je trouve que nous sommes à un point maintenant où nous arrivons vraiment à voir l'importance du travail des personnes qui ont qui ont pris le temps de s'exprimer sur justement ce que ça veut dire de mettre en forme, mettre en mots, mettre en image ce que nous vivons, notre perspective sur le monde, les priorités, les valeurs, ce qui nous semble vraiment important, avec le recul qu'on a sur cette société qui est tellement rigide, avec ses catégories, avec ses couloirs, avec ses ornières même. Donc, je trouve que c'est très, moi, personnellement, très important, non seulement de consommer cet art, consommer parce que c'est pas le bon mot, mais c'est ce qui nous fait vivre, effectivement, mais on doit donc s'encourager, on doit être là les unes pour les autres, venir nous entendre, s'entendre et tout ça, et aussi, donc, réfléchir. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, merci d'être venu. Et je remercie les panélistes.